Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Question. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de golf aujourd'hui. Ça débute au club de golf de Chicoutimi, la classique ou encore le tournoi provincial junior de golf. Et ça, initialement, les gens qui se rappellent, ça devait être présenté au club de golf de Saint-Prime. Mais le club de golf a finalement décidé de ne pas taxer davantage leurs bénévoles. Fait que la Ville-Saguenay qui a repris à pied levé un petit peu ce que Saint-Prime avait abandonné. On en parle avec le responsable Brian Littlejohn. Bon après-midi, Brian. Hey, salut. Brian, si on parle un peu de cette classique-là, c'est vraiment les plus grands golfeurs juniors. C'est pas mal les prochains qu'on voit sur la Canadian Pro Tour, là, qu'on va voir. Là. Ben, c'est quand même 180 garçons et filles qualifiés. Donc, les qualifications se sont passées dans les dernières semaines. Donc, c'est vraiment les meilleurs du Québec. Puis il y a de grands noms qui seront là certainement, puis que oui, on pourra en retrouver sur le Canadian Tour, mais aussi sûrement sur la PGA et la LPGA également. Ouais. OK. Si on parlait un peu des golfeurs, d'abord, est-ce qu'il y en a des golfeurs de la région qui sont là? Oui, cette année, on est vraiment content de notre délégation. On a 7 garçons qui ont réussi à se qualifier pour le championnat, puis 3 filles, là, donc je crois que c'est une première aussi. Donc, une délégation de 10 golfeurs, là, très très heureux de notre délégation. Là. OK, si on parlait un peu maintenant des grands, des golfeurs qu'il faudra surveiller. OK, ben au niveau, on a quand même surveillé, c'est très important, nos golfeurs de la région. Ouais. Un tournoi à la maison, ils connaissent leur terrain, ils jouent déjà ouais. De très bons scores. Là, donc, on s'attend quand même, garçons et filles, là, d'une très belle performance. Au niveau provincial, mention honorable à Céleste Dao, qui a gagné le championnat provincial junior l'an passé, puis cette année, elle a réussi à se qualifier pour l'Omnium des États-Unis féminin. Là. Donc, cette année, en 2018, elle a joué l'Omnium, le US Open féminin. Là. Donc, elle fait déjà de grands tournois, puis elle sera à Chicoutimi, là, normalement, de dimanche. Ouais. OK. Si on parlait un peu maintenant, ça représente quoi pour le club de golf de Chicoutimi? Je sais que Saint-Prime, on était content, mais c'est parce qu'il y a tellement d'activités à Saint-Prime, puis on l'a pas pris parce qu'on voulait pas taxer nos bénévoles, mais je suis certainement qu'à Chicoutimi, c'est plus facile un peu parce que la population est plus grande. Pour le club de golf de Chicoutimi, ça représente quoi cette compétition-là? Bien, premièrement, c'est une visibilité exceptionnelle. On a un superbe terrain. Les gens, c'est beaucoup des gens de Québec, de Montréal qui connaissent peut-être pas la région, connaissent pas le club de golf Saguenay, Chicoutimi. Donc, ils viennent chez nous découvrir la région, découvrir le terrain. Mais ça prend, comme vous dites, là, un groupe de bénévoles très impliqués. Puis je suis très, très chanceux d'avoir l'organisation, d'avoir un groupe tellement dynamique de bénévoles qui ont leur propre équipe. Là. J'ai comme des présidents de comité pour chaque élément important. Puis ils font leurs réunions, puis ils ont leurs équipes. Là. Donc tout est en place. Là. Mais en effet, ça prend une grosse, grosse organisation. Fait qu'on est content. Là, de. On parle de combien de bénévoles à peu près? Ben, j'ai à peu près 15 ou 16 responsables de comité qui ont un nombre de bénévoles. Mais tu sais, on parle de sûrement autour de 75 bénévoles pour la semaine. Il y en a qui vont faire 3 heures, 4 heures, puis il y en a qui vont être là toute la semaine. Donc, ça varie au niveau de l'implication, mais on est très heureux là de la réponse des gens de Chicoutimi. OK, OK. Mais donc, ça commence aujourd'hui sur le club de golf. Ben, au moment où on met en ligne l'entrevue, c'est déjà commencé. Donc, ça va se poursuivre toute la semaine. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour aller voir ça? Non, c'est tout à fait gratuit. Donc, lundi, c'est la première ronde. Vous pouvez venir suivre les joueurs. Là, on reste dans le côté des allées, puis on suit les joueurs qu'on veut. On peut s'installer à un endroit. Puis, où, exemple, au 6, on peut voir 3-4 verres arriver les jeunes. Donc, il va y avoir des estrades au 18 aussi. Si vous voulez pas marcher, vous voulez vous asseoir là. Donc, on invite la population à venir voir ces futures vedettes-là de grand calibre. OK. Allez, en terminant, M. Littlejohn, puisque je vous ai, est-ce que c'est dans les cartons peut-être du club d'avoir une épreuve du Canadian Pro Tour? Parce que, tu sais, quelque part, c'est au Québec. Tu sais, t'as Pierre-Alexandre Bédard qui vient de la région, qui est un bon golfeur, Lucas Dupéré également, Kevin Fortin-Simard qui est encore actif, même si on le voit moins. Est-ce que c'est dans les cartons peut-être des clubs de golf de la région d'avoir un Omnium Canadian Pro Tour? Ben pour l'instant non, on n'a pas eu de demande officielle. Tu sais, nos saisons sont quand même courtes, là. Ça demande énormément de, tu sais, comme on l'organise là, ça demande beaucoup de bénévoles. Ouais. On ferme le terrain quasiment pour une semaine. Mais tu sais, on a un superbe terrain. C'est quelque chose qui pourrait arriver un jour, mais pour l'instant c'est pas dans. Ok. C'est pas dans nos plans. Ok. Ben Brian et toi, John, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour ce tournoi, puis au plaisir de se parler. Merci beaucoup. Voilà le responsable du club de golf de Saguenay et du tournoi junior qui se met à prendre aujourd'hui à Ville-Saguenay, Brian Littlejohn.